Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un film qui a fait parler à Cannes. Chassés de leur terre algérienne, trois frères et leur mère sont séparés. Mais Saoud s'engage en Indochine. À Paris, Abdelkader prend la tête du mouvement pour l'indépendance de l'Algérie. Et Saïd fait fortune dans les bouges et les clubs de boxe de Pigalle. Leur destin, scellé autour de l'amour d'une mère, se mêlera inexorablement à celui d'une nation en lutte pour sa liberté. Vous allez supporter ça encore combien de temps ? On fera notre loi. Colonel Fèvre, DST. C'est chez moi ici. C'est moi qui prends les décisions. Vous en aurez des morts, vous inquiétez pas. Il faut calmer le jeu. Je suis avec toi. Grant ? Ce n'est pas une place pour toi ici. Tu passes dans la clandestinité. Il n'y a pas de place pour des passions personnelles. On vous allie avec cette guerre. Rappelle-toi. S'il continue, je ne pourrai plus rien pour lui. Hors la loi, avec Jamel Debbouze, Sami Bouajila, Rothschild Zem, un DVD Studio Canal.